Bonsoir. Bienvenue à cette conférence du vendredi ayant pour titre « Les raisons ésotériques de l'amour ». On va d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une raison, qu'est-ce que c'est ésotérique et qu'est-ce que c'est que de l'amour. On parle de raisons ésotériques, de l'amour intelligent ou de l'amour conventionnel? Est-ce que tu fais une distinction entre les deux normalement? Non. On parlait des raisons ésotériques de l'amour. De l'amour humain? Oui, les raisons ésotériques d'un amour qui manipule l'humain depuis que l'humain fait des conférences. Depuis que l'humain est là. Depuis que l'animal humain est là. On parlait surtout de l'amour qui oblige l'humain à s'associer. Parce qu'effectivement, il y a des raisons ésotériques à l'amour intelligent, mais ces raisons ésotériques-là sont extrêmement faciles à expliquer. Et surtout, c'est que même si on ne les explique pas, de toute façon, elles ne créent pas de problème. Alors que l'amour conventionnel, l'amour humain, l'amour conditionnel, l'amour psychologique, l'amour émotif, est un amour qui oblige l'humain. La personne, elle n'aime pas, et puis à un moment donné, elle a le coup de foudre. Elle n'a pas décidé. La personne, elle n'aime pas, et à un moment donné, elle s'amourache, mais elle n'a pas décidé non plus. Et on parlera nécessairement des raisons ésotériques qui font que, de temps en temps, l'amour est exprimé sous forme de haine. Et c'est une grande partie de toute la structure d'évolution ou la structure de manipulation dans l'évolution qui dirige l'humain. C'est surtout à ça que ça sert, finalement, à manipuler l'humain vers un envers l'autre ou deux personnes l'une envers l'autre. Ou même contre l'autre. Hein. Contre l'autre, éventuellement, mais au début, c'est envers. Donc, c'est contre tous. C'est une manipulation de l'astral? Ah, c'est une manipulation de l'astral, oui. Une manipulation de tout ce qui a été archétypalement placé dans la conscience humaine pour que l'humain n'oublie pas qu'il doit bouger et en même temps pour forcer l'humain à ne pas trop bouger. Et c'est une grosse problématique parce que toute la structure évolutionnaire planétaire est basée sur deux phénomènes. Un qui te pousse et un qui te freine. Par exemple, le désir ainsi que la peur vont porter l'humain à vouloir évoluer. La peur va en même temps l'obliger à freiner, à ralentir son évolution. Alors les individus, par exemple, la majorité évolue uniquement dans un seul but, c'est celui de fuir la souffrance, fuir le malheur, fuir les mauvaises conditions de vie, fuir l'enfer. Bon, il y a plusieurs raisons d'évoluer, mais la majorité des raisons humaines reviennent toutes à la fuite. J'ai peur de... Et on s'en est servi énormément au niveau des religions. Tu dois aimer ton Dieu parce que si tu n'aimes pas ton Dieu, eh bien, tu iras en enfer. Alors, finalement, j'aime autant l'aimer. Bon. Il y a eu continuellement cette manipulation où on parlait d'amour. Et si tu n'aimes pas, eh bien, on te bat. Finalement, ce qu'on te disait, c'est que tu as le choix d'aimer. Tu aimes un problème ou tu aimes un gros problème. Ah, l'humain choisissait toujours le problème. Une grande partie de l'amour humain est un amour qui est imposé. La majorité, par exemple, des mères qui aiment leurs enfants, c'est un amour imposé. Et quand on parle d'amour philosophiquement, socio-philosophiquement, on va dire, ben voyons donc, c'est pas imposé que j'aime mon enfant, c'est naturel que j'aime mon enfant. C'est ce que je dis, c'est imposé. Et à un point tel qu'à un moment donné, on aimera plus son enfant que l'enfant d'un autre. Ah ben c'est normal, c'est ce que je dis, c'est imposé. Pas une question de choix, c'est même pas une question de logique. Et on pourra même parvenir à aimer une race plus qu'une autre, ou notre race plus qu'une autre race. Ah oui, mais c'est sûr, l'autre race, c'est toutes des... C'est ça, je dis, c'est imposé. Alors, à un moment donné, on va demander à une femme ou demander à un homme, pourquoi vous aimez votre mari ou votre femme? Le savez-vous pourquoi? C'est très imposé. La majorité des personnes ne pourront pas le dire. Ah, ben parce que il est pas si pire. Donc, il n'est pas si bien. Il faut un ou l'autre. Ah, oh, mais de temps en temps, c'est ce que je dis. C'est le moins pire que j'ai trouvé. Ou encore, je le trouve beau. Et ouais, ça, c'était pas une bonne chose. Parce qu'évidemment, on tombe en amour avec le premier ou le deuxième ou le troisième qu'on rencontre, puis on est 5 milliards, quelques millions sur la planète. Et on a plusieurs raisons. Il y a, tout au long de sa vie, on peut apprendre à aimer certaines choses, on peut apprendre à aimer certains individus, mais apprendre à aimer peut se définir comment? Est-ce qu'on a encore une fois une forme d'imposition et progressivement on finit par se voir imposer d'aimer telle ou telle personne? Il y a des personnes qui sont esthétiquement, selon la norme, extrêmement laides et elles sont normalement en couple. Quelqu'un les aime. On a des personnes qui sont handicapées et sont capables de vivre en couple. Le record de ce phénomène de l'amour imposé peut être deux frères siamois, hein, qui étaient donc soudés ensemble par le côté, et ils se sont mariés tous les deux à des femmes ordinaires, et ils ont eu des enfants ordinaires. Bon, ne demandez-moi pas s'ils ont eu des enfants en même temps, s'ils sont venus au monde au même moment, etc., chez leur femme, mais nécessairement, quand il y avait une relation sexuelle entre l'un et sa femme, l'autre assistait. Il était à côté. Ben, il était... C'est de là qu'est venu le terme, c'est à côté. Pour... Ah oui, il était très à côté. Il était à côté. Mais ils sont parvenus à vivre une relation d'amour psychologiquement, on pourrait considérer de normal. Alors qu'on peut se poser la question, pourriez-vous faire l'amour avec votre femme, votre mari, si sa soeur ou son frère était là dans la même lit à côté? Puis, quelques-uns peuvent, bon. Mais la majorité ne pourrait pas. Quand on parle d'imposer, une femme se dirait, ou une femme peut se poser la question, comment a-t-elle pu tomber en amour avec lui plutôt que l'autre? c'est des jumeaux identiques. Ben, génétiquement, ils se ressemblent. Ben, ils sont... oui, c'est ça, ils sont mozigotes. Bon. Alors, en plus, qui te dit que tu as eu des affaires avec Pierre plutôt que Marc? Ah ben, Pierre est à gauche. C'est pas trop pire. C'est facile à reconnaître. Mais, je connais des frères siamois, deux de mes amis, entre autres, qui sont médecins. Ils sont deux amis, oui. C'est ça. Et les deux sont mes amis. Et ils sont des jumeaux identiques. Ils sont tous les deux mariés, avec une femme, l'un est haïtienne, hein, une femme c'est intéressant, l'autre c'est une femme, disons, ordinaire. Normal. Voilà, parce que je sentais qu'il y en a qui voulaient dire normal, bon. Et comment la femme qui est haïtienne a-t-elle pu tomber en amour avec un tel plutôt que l'autre? Elle les a connus les deux en même temps, parce que c'était en Haïti. Et au Québec, mais ils sont haïtiens, ils ont voyagé un peu par la suite, mais comment une femme va-t-elle tomber en amour avec un tel plutôt que l'autre, alors qu'ils sont totalement identiques. Psychologiquement, ils ont les mêmes goûts. Ils ont, présentement, depuis leur conscientisation, ils sont de plus en plus individuels. Même physiquement, on commence à les différencier. Mais ils étaient à l'époque identiques. Et comment l'autre a-t-elle pu tomber en amour avec l'autre? Ben justement, il y a quelque chose qui ne colle pas ou qui est bizarre dans le phénomène de l'amour. Et la majorité des êtres humains vont tout faire pour défendre l'amour, pour défendre leur amour, qui souvent est un amour imposé, au nom d'une philosophie très particulière qui nous force souvent à rester avec des êtres humains qu'on a aimés et qu'on n'aime plus, ou qu'on n'aime plus beaucoup, et qui nous force des fois à rester avec, ou qui nous force à aimer des êtres humains qui vont nous battre, qui vont nous voler, qui vont nous agresser, qui vont miner notre vie. Et on les aime quand même. Quand je travaillais pour Urgence Santé, souvent j'ai été chercher des personnes, des femmes qui avaient été battues et qui ne portent pas plainte parce qu'elles sont en amour, ou des hommes qui se sont blessés en battant leur femme, et leur femme, elles accompagnent à l'hôpital, pauvre pitou, etc. Bon. Et elles, ces personnes-là, elles sont en amour. Mais qu'est-ce qui fait l'amour? Est-ce que c'est une attirance physique, astrale, énergétique? C'est une attirance. Ou c'est la totalité de ça? C'est une attirance. C'est une attirance. Il y a des personnes qui sont extrêmement âgées. J'ai connu une personne, il avait 84 ans. Alors, sa blonde, on pourrait dire, oui, mais 84 ans, on comprend. Sa blonde, elle en avait 24. Mais du côté de sa blonde, on comprend peut-être moins. Il y avait de l'argent. Bon. Et c'est un amour. Un amour total et réel. C'est même rare qu'on voyait des êtres humains dans une forme d'amour où les deux partagent exactement les mêmes chemins. D'ailleurs, celui qui avait 84 ans, lorsqu'il est décédé, il a fait congé son corps pendant une quarantaine de journées pour se réincarner quelque part. Et on a pu remarquer, il y a deux jours après, que sa blonde, sa femme, elle parlait comme lui, elle avait les mêmes expressions que lui, elle se rappelait des mêmes poèmes que lui avait appris, etc. Puis bon, on s'attendait bien à ce qu'il ait transité dedans chez elle à bout de temps. C'était de l'amour assez convenable. C'est un transfert énergétique. Pas se réincarner chez elle. L'amour... il est déterminé par plusieurs choses, et c'est ce qui complique souvent la gestion de notre amour avec quelqu'un. Il y a des personnes qui se limitent dans l'expression de leur amour. Alors, ils sont en amour avec une personne, disons un homme avec une femme, et vice-versa, mais parce qu'il est marié, ben là, il limite son amour envers l'autre femme parce qu'il a déjà une femme. On a vu un peu la semaine dernière, dans une sexualité sans le corps physique, qu'il y avait des égrégores. L'égrégore, il a une tendance, c'est que si l'homme marié voit une autre femme ou la femme mariée voit un autre homme et elle l'aime, on peut s'aimer entre plusieurs individus, et immédiatement l'égrégore va lui dire « tu devrais coucher avec », alors que ça n'a rien à voir avec l'amour. c'est une récupération assez dramatique de la mécanique de l'amour. Aimer quelqu'un, ce n'est pas avoir le goût de coucher avec. Avoir le goût de coucher avec, c'est autre chose. C'est comme j'aime quelqu'un, j'ai le goût de l'embrasser. J'ai le goût de la licher, de la têter. Hey, ça n'a rien à voir avec l'amour. Bon, il y a des gars qui tombent en amour avec leur automobile avant. Bon, ben, il embarquait dedans, il la frottait, il l'embrassait, il la montrait, et ça remplaçait leur femme. Quand on parle d'amour, on ne parle donc pas de l'obligation de relations sexuelles qu'on a vu la semaine dernière. C'était une forme de drogue endocrinienne, c'est-à-dire que l'être humain était en nécessité de certaines hormones, et souvent de la dopamine, qui est une hormone naturelle. Une personne qui n'en sécrète pas suffisamment sera en manque souvent si elle a connu des superdoses de dopamine. Alors, elle sera une personne qui recherchera les films d'horreur. C'est une personne qui recherchera les sports violents, à la ronde, par exemple, ces choses-là. L'amour puis les films d'horreur, c'est... Dans plusieurs cas, c'est un peu similaire. La personne, elle va donc rechercher ce genre de contact. Et après une relation sexuelle, ben, c'est fini, ça va bien, la vie est belle, on n'en parle plus. Et c'est ce qui va permettre, par exemple, surtout aux hommes qui, eux, peuvent être en manque au niveau endocrinal, d'aller dans des bordels pour rencontrer des prostituées. Puis une fois qu'ils sont finis, ils sont bien. Et effectivement, ils sont beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu, leur dose d'hormones. Alors, on pourrait prendre de la morphine. La dopamine est une morphine naturelle. On a l'endorphine qui est une morphine naturelle, qu'on sécrète au niveau cérébral. Alors, il y a donc des hormones qu'on a besoin. Et dans certains cas, le corps physique est en manque. Donc, il y aura besoin d'un sevrage. Et on verra, par exemple, qu'effectivement, une personne qui veut devenir plus chaste, c'est-à-dire qu'il aimerait, par exemple, restreindre ses relations sexuelles dans le but de respecter un peu plus une femme, on parle de l'homme, il vivra une décadence psychologique similaire à celui qui vit un sevrage au niveau des drogues ou au niveau de l'alcool. Il sera en manque de cette drogue. Il sera en manque, il pourrait être violent, il pourrait être déprimé, il pourrait être dépressif, il y a toutes les phases qui sont similaires, et normalement, il va craquer, c'est-à-dire qu'il va prendre une bouteille, il va boire. Dans son cas, il va prendre une femme, puis il va aller chercher toute l'énergie. Bon. Il peut se masturber, ça va donner un peu le même phénomène, dépendant de comment sa structuration astrale est bâtie, c'est-à-dire qu'il doit sécréter ces hormones-là pour être comblé. Si on élimine cette forme d'amour-là, l'amour physique, qui est un amour qui est plus souvent qu'autrement, encore une fois, forcé, hein? L'homme ne peut pas décider qu'il n'aura... Bon, fait, j'avais le goût, mais là, tiens, j'ai plus le goût. Mais est-ce que c'est là une manipulation astrale ou une manipulation psychologique ou une manipulation physique? Elle est physique et elle est extrêmement renforcée par les phénomènes astraux. Les deux en même temps. Et c'est le gros problème chez l'humain, c'est qu'une grande partie de toute la relation qu'il va vivre avec l'extérieur est une question de mémorisation, donc de conditions intérieures, de phénomènes astrales, de phénomènes amiques, de phénomènes reliés à l'âme, et nécessairement, l'humain est toujours un peu mal pris. La raison ésotérique de l'amour fondamental est uniquement de se retrouver, c'est-à-dire de se regrouper. L'humain aime parce qu'il veut se regrouper. Il a besoin. En tant que couple ou en tant que groupe? En tant qu'être humain. Quand on va faire un couple, c'est dans le but, premièrement, de regrouper les molécules, c'est-à-dire qu'on aura normalement des enfants. Alors, une des premières instructions des systèmes théologiques, ça va être soit dans un système où on a une femme ou un homme, ou plusieurs femmes, plusieurs maris. Il y a certains régimes qui ont la femme peut avoir plusieurs maris. Ça sera d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que dans le fait d'avoir des enfants, on fusionne des molécules, on fusionne notre génétique avec la génétique de l'autre, et tout ça, c'est un enfant, c'est une fusion. Il y a déjà un regroupement. La mère et le père se réincarnent dans l'enfant, ils sont déjà associés et fusionnés à l'intérieur. Maintenant, l'amour lui-même, l'amour qui va faire en sorte que les humains vont être capables de vivre socialement de façon grégaire, en troupeau, en société, cet amour-là est basé sur une obligation énergétique de se retrouver. C'est ce qu'on appellerait le patriotisme. Le patriotisme va être une expression nationale de l'amour collectif. Mais ça peut être aussi simplement le racisme. Hein? Bon, alors on aura l'amour de la race. Un sentiment d'appartenance. Oui, ça peut être aussi au niveau des sexes. On aura un regroupement au niveau du mâle, un regroupement au niveau de la femelle. Ça peut être au niveau des âges. On aura un regroupement au niveau des 50 ans et plus, ceux qui ont tout compris, contre ceux qui n'ont rien compris, ceux qui sont en bas. Ou on aura encore un regroupement au niveau des 25 ans et moins, ceux qui ont tout compris. Hein? Qui sont contre ceux qui n'ont rien compris. Ah oh, bon. Alors, il y a, dans le phénomène de l'amour, l'obligation qu'un individu va vivre de se normaliser. Cela veut dire quoi? Premièrement, au niveau de la normalisation, il y aura nécessairement les modes. Être à la mode. Et chez les jeunes, on le voit immédiatement. Chez les adultes, on le voit aussi. Il y aura des modes alimentaires, il y aura... Et de plus en plus, ça devient idiot. On a un personnage qui est intéressant, qui parle de l'écologie. Et il commence en disant, bon, eh bien, on va faire une petite chronique sur l'écologie, hein, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode. Être écologique, c'est une question d'intelligence, c'est pas une question de mode. C'est comme de dire, à un moment donné, on va cesser de se battre entre nous, ça commence à être à la mode, là. Mais la mode peut quand même servir à intelligencer par la force, c'est-à-dire par la problématique, c'est que la mode, le danger qu'elle a, c'est qu'à un moment donné, on change de mode. Si c'est plus à la mode, on n'est plus écologique. Bon, il y a eu un moment donné où on a inventé une nouvelle mode, celle des pantalons un peu plus larges. Une mode où on n'avait plus de corsets pour les femmes. Une mode où les femmes se mettaient plus d'atropine dans les yeux pour dilater les pupilles, parce que les hommes aimaient ça. Une mode où, etc. Et on avait donc plein de raisons de dire c'est la mode. Après, on avait dit, la mode, elle est aux femmes qui ne sont pas grasses. Et c'est mieux, c'est meilleur pour la santé, c'est etc., etc. On est en train de revenir aux femmes grasses. Ça va être la mode prochainement. Le linge, il est revenu serré à un moment donné. Ben oui, ça redevenait à la mode. Fait que les mesdames peuvent rester comme ça va revenir à la mode. Ben oui, c'est ça. Et c'est toujours une question de mode. Il y a un centre qui essayait de convaincre les individus qui étaient un peu dans bon point. Moi, je dirais dans mauvais point, mais en tout cas, et de maigrir. Et ils ont failli faire faillite, ils ont découvert la recette à un moment donné, c'était « vous allez paraître mieux ». Bon, et là, celle-là, ça prenait. Pourquoi? Parce qu'on avait associé être en santé avec une mode. À un point tel qu'à un moment donné, on va vous dire « ouais, mais tu n'es même pas bronzé cet été ». Regarde-lui comment il est bronzé, il a l'air en santé. On ne veut pas savoir s'il est en santé, on veut qu'il ait l'air en santé. Alors, de ce fait, on a toute une structure de vie qui fait qu'on a l'air de, alors qu'on ne l'est pas du tout. Bon, l'amour va obliger l'humain à s'associer comme ça. Alors, la personne qui, par exemple, va en Floride, ben ça ne revient pas bronzer, elle n'est pas normale, elle est malade. Alors que ceux qui reviennent bronzer régulièrement, peut-être qu'un jour, ils auront plein de cancers cutanés. Bon, mais il y a un problème, c'est qu'on pensera que l'individu, « Oui, mais tu n'as pas de teint, tu n'as pas l'air en santé. » Ben moi, je suis en santé de te connaître, puis c'est fini, là. Je m'en vais. L'amour, c'est quelque chose qui oblige les êtres humains à se regrouper. Fondamentalement, l'être humain, qui a été conçu énergétiquement de la même façon, on pourrait dire par le même créateur, mais je le dis par la même créature, en tout cas, l'être humain qui a été conçu par la même énergie a une tendance innée à se regrouper. À se retrouver. Oui. Et c'est ce qui va engendrer l'idée philosophique d'être frère et sœur en esprit. Sauf qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ne peuvent pas être frères et sœurs en esprit de d'autres parce qu'ils ne sont pas conçus, créés par la même énergie, du point de vue espritique. Mais qu'est-ce que c'est être frère et sœur en esprit? C'est avoir exactement la même caractéristique au niveau de ce qui, un jour, va te permettre d'avoir accès à de l'intelligence. C'est d'avoir exactement la même programmation qui est inutilisable dans la majorité des cas, parce que l'être humain n'est pas suffisamment réchauffé pour avoir accès à une partie de son cerveau qui va commencer à réagir à de l'énergie qui est plus subtile, l'énergie supramentale, que dans certaines religions on appelle l'Esprit Saint. Bon, lorsque l'être humain est lui-même, lorsqu'il se réchauffe, il n'a pas accès à une même structure de compréhension des mécaniques, on pourrait dire cosmogoniques, des mécaniques qui permettent sa présence sur le plan planétaire. Autrement dit, l'œil, dépendant du cerveau, ne peut pas voir la même chose chez tous les êtres humains. Il y a des personnes, j'expliquais à un moment donné, on va faire un tour au Japon ou aux Indes. Bon, les deux peuples sont extraordinairement géniaux. Il y a des choses géniales à aller chercher là. Ils auront leurs problèmes comme on aura les nôtres. Et on va faire un tour au Japon, on va faire un tour aux Indes, et on écoute leur musique. Alors, ils jouent de certaines formes de musique. Nous, si on écoute leur musique, habituellement, on trouve ça laid en maudit. C'est des sons assez bing-bang, bing-bing-bing-bing-bing. Puis si une personne chante, on se demande réellement pourquoi elle ne va pas plucher ses patates. Bon. Et les individus qui sont là... Je ne sais pas ce qu'ils pensent quand ils écoutent Willy Lamotte. Exactement. Ils vont écouter Willy Lamotte. Ils vont peut-être penser à la même chose que moi, je pensais quand j'étais jeune. Bon. Après, il n'allait pas... Pensez à son cheval, en tout cas. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a des individus qui vont écouter une forme de musique et vont trouver ça extraordinairement joli, alors qu'il y en a d'autres qui ne vont voir que de la cacophonie. Ça dépend de l'oreille, ça dépend du cerveau, ça dépend de ce qui, chez soi, structure notre capacité de décoder l'extérieur. Et ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons voir un paysage et nous allons dire « il faudrait mettre le feu là-dedans ». hein, visuel peut-être souvent de plusieurs hommes ou femmes de fer, alors que d'autres vont voir un paysage et ils vont dire, ça, il faut le conserver. L'être humain n'est pas conçu de la même façon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on acceptera facilement l'idée d'une présence sur la planète Terre, une présence qui pourra être extraterrestre. D'autres cerveaux, d'autres êtres humains bâtis différemment en esprit, ne pourront jamais accepter l'idée que notre présence elle provient d'une mécanique extraterrestre. Ils diront c'est un Dieu qui nous a punis. Ils sont capables de décoder leur présence planétaire en fonction d'une culpabilité originelle qui va les confiner continuellement à vivre à plat ventre devant leur Dieu. Dans un autre contexte religieux, on aura où l'être humain doit nécessairement mourir violemment pour rejoindre son Dieu. Bon. Et tout le monde a raison là-dedans. Tout le monde a totalement raison. La problématique, c'est qu'on est tous sur la même planète. De ce fait, tout le monde a retard. Parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Maintenant, ce qu'on doit savoir, donc, c'est que être frère et sœur en esprit, cela est déterminé par notre capacité de décoder énergétiquement, similairement, la même chose dans le monde. Donc, je ne peux pas dire les Juifs, ils ont tort. Ou encore les musulmans, ils sont stupides. Mais ça, je peux le dire, mais ça ne sert à rien de le dire. Est-ce que c'est amené par la religion ou si c'est génétique ou si c'est non. psychologique? La religion va être l'expression collective de la vision espritique d'un peuple, de sa présence dans l'univers. Une cosmogonie, c'est l'explication de la présence de l'homme, entre autres, de la Terre, dans un système universel, cosmogonie. Alors, on a une cosmogonie chrétienne qui parlera d'un Dieu qui, en ces jours, aura créé tous les problèmes. On aura une cosmogonie tibétaine qui parlera de d'autres choses. On aura une cosmogonie plus ésotérique. On aura une cosmogonie mahométane. Il y a différentes cosmogonies. L'être humain, lui, n'a pas les mêmes structures. Autrement dit, comme un jour, je vais faire un tour dans un temple Krishna et je leur demande, est-ce que Krishna est partout? Ils me disent, oui, Krishna est partout. Si Krishna est partout, Krishna est chez moi. Oh non, non, non, Krishna n'est pas dans l'homme. Alors, si Krishna n'est pas dans l'homme, Krishna n'est pas partout. Oui, il est partout. Mais ben, il y a un trou dans partout, l'homme. Non. Ben, si Krishna est partout, il est dans l'homme. Non, Krishna n'est pas dans l'homme. L'homme est impur, Krishna n'est pas dans lui. Donc, Krishna n'est pas partout. Oui, Krishna est partout. Il y a pour plusieurs une espèce d'incohérence, évidemment. Ils ne doivent pas t'avoir invité comme conférencier. Non, même qu'à un moment donné, je suis revenu. Ils t'ont invité à sortir. Oui, à un moment donné, je suis revenu. Et puis, il y a une personne qui ne comprenait pas certaines choses, qui avait bien de l'allure chez les Krishna. Et j'ai commencé à expliquer à l'autre le bien fondé de ce que l'enseignement Krishna donnait là-dedans. Et les disciples de Krishna se sont tous mis contre moi, convaincus que j'étais encore en train de faire de la logistique. Extérieur, à un moment donné, je laissais faire. Mais certains individus ne sont pas structurés et souvent, c'est ce qui va engendrer au niveau de l'astral. L'astral, qu'est-ce que c'est? C'est la psychologie. La psychologie, souvent, c'est l'incompris, l'incompréhenseur, celui qui ne peut pas comprendre. Et astralement, on va dire, ben, ils sont stupides. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de voir le monde comme moi. Alors, quand on parle de l'amour, il y aura premièrement un amour qui créera une filialité, une affinité au niveau de l'esprit. Et normalement, ça va réunir les gens sous des religions massives. Mais là, quand tu utilises le terme esprit, ici, c'est fait plus référence à l'âme ou à l'esprit directement? Non, au niveau de l'esprit. Parce que l'esprit, lui, il change pas. Il évolue pas. Alors que si tu passes d'une religion à l'autre, tu peux être dans les catholiques, aller dans les Krishna, aller dans les mormons, etc. Oui. Là, c'est seulement la psychologie qui a changé. C'est pas oui, sauf qu'il faut faire attention, c'est qu'au niveau du contexte planétaire, l'expression de l'esprit dans le contexte planétaire est légèrement différente. Et plus ça se rapproche de l'être humain en fonction de ce qui génétiquement constitue l'humain, l'expression de l'esprit pourrait être différente, c'est ce qui va engendrer des religions différentes. Donc, de ce fait, les Juifs sont frères et sœurs en esprit, c'est un fait. Les chrétiens sont souvent frères et sœurs en esprit, c'est un fait. Et les musulmans sont frères et sœurs en esprit, les tibétains, etc., les bouddhistes, bon. Mais on ne peut pas considérer que tous les humains, à un premier palier, sont frères et sœurs en esprit. C'est ce qui va faire en sorte qu'un humain qui évolue, qui est rendu à un certain niveau de l'évolution, ne pourra reconnaître dans sa cosmogonie, dans sa vision sociale, qu'un nombre restreint d'individus. Cela va faire quoi? Cela va faire qu'il va reconnaître sa tribu, son clan. Puis au minimum, à l'époque, la tribu ou le clan est une question de famille, c'est familial. Il reconnaîtra sa famille. Bon, les autres, on peut les massacrer, on peut les tuer, ma famille en premier. Alors, on aura eu en Italie, on aura eu en Écosse, on aura eu un peu partout sur la planète à l'origine, des tribus qui sont uniquement familial. Ils vivent dans un clan uniquement limité à la famille et ils auront leur Dieu, ils auront leur vision théologique. Quand l'humain évolue un peu plus, c'est-à-dire quand l'humain commence à se réchauffer un peu plus, il va commencer à reconnaître la filiation énergétique à un autre niveau. Donc, il va commencer à être en amour, ésotériquement, avec d'autres individus. Mais il ne comprend pas la mécanique. Mais subitement, il va dire que telle tribu ou tel clan peuvent être nos alliés contre telle autre tribu ou tel autre clan. Quand on évolue un peu plus, on finit par se dire, écoute bien, tous nos petits dieux familiales, ben, c'est toute la représentation d'un seul dieu. Et progressivement, du polythéisme, on va vers le monothéisme. On aura un dieu. Ce sera Bouddha, alors que lui ne voulait pas être une religion. Ce sera Mahomet qui est le prophète d'Allah, parce que c'est Allah qui est la religion, Mahomet est son prophète. Ça sera mon père, ça sera mon Dieu, ça sera père, ça sera Dieu, ça sera Manitou, ça sera Quetzalcoatl, ça sera etc. Maintenant, ce qui arrive, c'est que là, l'humain évolue un peu plus et nécessairement, ésotériquement, il est obligé de tomber en amour avec d'autres individus. Un amour qui ne sera pas aussi près, c'est-à-dire qu'il garde encore l'appartenance à sa famille. Il aimera sa famille avant d'aimer sa nation ou son peuple, mais il aimera son peuple avant d'aimer autre chose. Quand on arrive à faire une... Quand l'humain est suffisamment évolué, ça a pris du temps, c'est au niveau de la gestion évolutionnaire des différentes humanités, quand l'humain est rendu au point national, sa nation est nécessairement une nation théologique. On parle de peuple élu. Qu'est-ce qui, au début, a créé les grandes sociétés? Les religions. Alors, on a eu, à un moment donné, les protestants. Hein? On a eu les Égyptiens qui adoraient un seul Dieu. On a eu les Romains qui étaient chapeautés par un Dieu. Les chrétiens sont établis en société, encore un Dieu. On a eu le peuple d'Israël, un seul Dieu. On a eu la majorité des pays musulmans, ils sont associés, un seul Dieu. Et on arrive comme cela à engendrer des paix à travers des individus capables de s'aimer lorsqu'ils sont rendus à un niveau évolutif X. La problématique, c'est que plus on a d'ampleur de reconnaissance à travers une quantité d'êtres humains, autrement dit, si on parle d'une société. La société amérindienne du Québec, par exemple, qui rend certains personnages extrêmement malheureux. J'ai rencontré un Québécois tout à l'heure dans l'ascenseur, lui, c'est le comble du malheur. Sa maison était à Châteauguay, puis son chalet était à Oka. Totalement. Et fait, il était en train d'évoluer, là. Ah, c'est bien, mais les peuples eux-mêmes, et c'est un gros problème qui est engendré par les questions d'amour, c'est que si vous, un jour, vous déménagez en Angleterre, devenez anglais. Si vous déménagez en Israël, devenez israélien. Si vous déménagez en Arabie, devenez arabe. Si vous déménagez aux États-Unis, devenez américain. Quand un Chinois vient au Canada, il déménage au Canada, il doit devenir canadien. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais dû permettre les ghettos, c'est-à-dire les Chinatown. Hein, les Italiens tendent, etc. Bon, les ghettos italiens, les ghettos arabes, les ghettos juifs, les ghettos, etc. Et là, l'humain dit, oui, mais on veut préserver notre identité. Et on en revient encore à la même chose, l'identité du clan. Là, les individus sont capables de s'aimer entre eux. Et vous allez voir que l'amour augmente toujours en fonction de l'incapacité d'aimer l'extérieur. Les Québécois qui se détestent, qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas entre eux autres, envoyez-les au Bangladesh, envoyez-en une centaine au Bangladesh, vous allez voir qu'après 6 mois, ils ne seront plus séparables. Ils vont s'aimer, ils vont se connaître. C'est là qu'on devient soeurs et frères en esprit. Ben là, ils vont venir, oui, en esprit. Bon. Mais, quand on en arrive à des immensités d'individus, nécessairement, on nourrit des égrégores plus puissants, on entretient des religions, des systèmes théologiques qui sont très claniques, qui limite l'humain des clans de quelques millions d'individus, ça ne change rien. Et l'important, c'est que l'être humain, bâti comme il est, tout ce qu'il conçoit de l'univers ou de la création, est nécessairement une vérité fondamentale pour lui. Mais sa vérité à lui ne peut pas être comprise par un autre. Tant que les deux individus ne sont pas montés à un autre niveau, donc ils commencent à se rapprocher dans leur amour, nécessairement, ils ne peuvent pas s'aimer, ils ne peuvent pas comprendre. Et l'obligation de se rapprocher entre eux va engendrer les haines entre les clans. De ce fait, si moi je ne suis pas suffisamment évolué, je vais considérer que différentes races humaines sont à rejeter. Ils sont pas bonnes, ils sont pas évolutives, ils sont idiotes. De même, si j'étais dans l'une de ces races-là, je dirais la même chose en parlant des Canadiens, en parlant des Blancs, par exemple. si l'être humain arrive à évoluer un cran de plus, ben là, il commence à se dire, il commence à perdre la haine vers ou envers d'autres races, et il commence à être capable d'affinité avec les autres races. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de haine, donc il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... Puis c'est l'amour global, universel ou planétaire, il n'y a pas de clan. Ben, c'est-à-dire que ça prend le temps que ça prend. C'est, autrement dit... Non, mais je dis pas qu'il y en a beaucoup qui sont là. Mais si on arrivait là potentiellement, il y aurait... Ben, y a plus... ça défraie tout le système religieux, ça défraie le système... Il n'y a plus de frontières politiques, il n'y a plus de frontières religieuses, mais évidemment, il n'y a plus de religion telle qu'on la connaît. Il y aura peut-être une religion mentale, une religion... Religion, ça vient des mots, hein, religares, qui veut dire relier. Une religion est normalement une technique qu'on enseigne aux fidèles pour que le fidèle parvienne à relier Dieu, relier l'esprit, ou relier lui, en tout cas dépendant des religions, mais à relier. La problématique des religions, c'est qu'elles enseignent comment se relier par l'intermédiaire de certaines mécaniques. De ce fait, toutes les religions ne libéreront jamais l'homme. Je le dis souvent, vous pratiquez la religion catholique et un jour, vous arrivez à une relation avec Dieu, allez voir un prêtre et dites-lui, je suis relié. Le prêtre va dire, hey, t'es malade. Bon, alors, vous pratiquez la religion musulmane, allez voir à un moment donné un prêtre et lui dites-lui, je suis relié à Allah. On va te dire, encore une fois, ben peut-être là c'est plus dangereux, on te le dit d'une façon peut-être plus violente, mais encore une fois, tu blasphèmes. Alors, allez dans les témoins de Jéhovah, pratiquez leur religion et un jour, dites, je suis en contact avec Dieu. Les témoins de Jéhovah vont encore une fois vous lancer quelques livres en plein visage, vous dit en vous expliquant de vous devriez vous réinstruire. On va te montrer comment faire, mais on te défend de le faire. C'est-à-dire que c'est toujours blasphématoire de réussir dans les systèmes théologiques. Bon, ça fait mal au système religieux parce que ça prouve qu'il y a un temps où la religion ne sera plus utile pour l'homme parce que l'homme, la femme et l'enfant seront reliés. Mais ça, on ne veut pas. Mais si l'amour, comme on le dit là, c'est-à-dire rendu à un certain niveau, là, tout le monde serait frère et sœur en esprit. Ah oui? Si ça transcende les religions, les gouvernements, ça transcende aussi les familles, les couples, il n'y a plus de couples, il n'y a plus de familles. Il faut faire attention parce qu'on mélange plusieurs choses. Quand on parle, prenons l'amour actuel. Mais parce que tu es parti avec une famille pour arriver avec une religion. Oui. Est-ce que dans le sens inverse, ça serait vrai aussi? Non, il va rester encore qu'il y aura des familles, il y aura encore une couple de couples. Bon. Mais... On sait que le couple, c'est une des grandes façons d'évoluer parce que le mot couple, hein, c'est en ingénierie, c'est quelque chose qui donne de la force, qui pose une force à. Et ça fait évoluer le couple. Bon, alors ça donne un couple à l'évolution. Mais ce qu'on doit comprendre simplement, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'on doit voir. Au niveau des raisons ésotériques, la première raison ésotérique, tout simplement, c'est elle est en fonction de la provenance même de ce que c'est que l'humain. L'humain, ce n'est pas que de la chair, surtout que la chair, c'est uniquement des molécules, c'est uniquement que des atomes, et les atomes sont constitués uniquement d'énergie, la même énergie qu'on retrouve dans une bombe thermonucléaire, ou dans le soleil, ou dans l'air, ou dans la matière solide, ou dans la table. C'est la même chose. Donc, l'humain est une agglomération d'atomes capable d'exprimer de l'intelligence, capable d'exprimer certaines choses. L'humain n'est pas que de la chair. L'humain est capable de se rappeler. C'est un gros problème. Cela a été utile, c'est aussi un problème. C'est ce qui rend l'humain malheureux. Qui permet à l'humain de détester. Parce que vous savez, on n'a pas besoin de mémoire pour aimer. On a besoin de mémoire pour haïr. Parce que quand vous rencontrez une personne pour la première fois, vous ne la détestez pas. Vous pouvez tomber en harmonique avec. C'est un amour énergétique, un amour sentimentique, c'est un sentiment. On n'a pas besoin de mémoire pour aimer. Je n'ai pas besoin de me rappeler que je connais quelqu'un pour l'aimer. Je peux l'aimer. Mais pour le détester, j'ai besoin de mémoire. Parce que si je n'ai pas de mémoire, je ne peux plus détester. C'est détestable, mais c'est comme ça. Alors, l'humain, nécessairement, a toujours valorisé la mémoire, l'intellect, parce que ça lui a permis, alors qu'il n'avait pas d'intelligence, de contact avec de l'intelligence active, de l'intelligence de l'esprit pur, qui lui donne la possibilité de savoir une chose sans l'apprendre. Tant que l'humain n'a pas ce contact, l'humain se sert de l'amour, de l'amour de ses mémoires, de la mémoire, de l'expérience, et il grossit. La problématique, c'est que dans le cas des êtres humains actuellement vivant sur le plan planétaire, il y a plusieurs formes d'amour qui sont exprimées. L'amour reste l'une des lois motrices de l'évolution. Sauf que l'amour, c'est quelque chose qui oblige à se regrouper. Donc, tous ceux qui auront vécu des expériences similaires auront tendance à se regrouper. Les camionneurs vont jaser de camion ensemble, les médecins se regroupent ensemble, les financiers se regroupent ensemble. Bon, dans plusieurs parties de la planète encore, les femmes se regroupent ensemble, les hommes se regroupent ensemble, etc. Plus l'humain évolue, plus l'homme et la femme peuvent se regrouper ensemble, parce que maintenant, c'est plus l'homme, c'est plus la femme, c'est l'humain. Bon. Mais il y aura des choses comme ça. Dans la constitution astrale de l'individu, les égos veulent se regrouper, les corps vitaux veulent se regrouper, l'intelligence qui est capable de raisonner entre les individus veulent se regrouper, ce qui progressivement va créer des luttes. Des luttes où on aura intelligemment le goût de voir quelqu'un, on pourra être jaloux de lui en même temps, on pourra, en tout cas, il y a toute une panoplie de mécaniques qui vont faire en sorte que progressivement va apparaître ce que l'on connaît bien souvent au niveau de l'amour, je l'aime et je le déteste en même temps. Bon, on a des personnes qui vont aimer quelqu'un et en avoir peur. Et il y a tout un paquet de problèmes qui vont apparaître, qui vont s'exprimer. Là, on aura donc des raisons, et c'est la même raison ésotérique, mais qui va se vivre au niveau du plan physique, au niveau du plan vital, au niveau du plan astral, c'est là qu'on a tous les problèmes, au niveau du plan mental, puis au niveau du plan supramental dans certains cas. Et qu'est-ce qui nous pousse à cette réunion-là où ça nous fait évoluer, comme tu le disais tantôt, mais on essaie, nous autres, d'évoluer de façon individuelle. Bon, donc, je vais expliquer qu'est-ce qu'on essaie aussi de ne pas se regrouper, c'est-à-dire qu'on essaie, d'un côté, l'ego ne voit plus pourquoi il se regrouperait avec d'autres personnes, puis il veut évoluer. Est-ce que ça aussi, c'est de la manipulation ésotérique? Absolument. Pourquoi on veut se regrouper? Bien, c'est extrêmement simple à comprendre, c'est que toutes les personnes que j'aime ici dans la salle, c'est simplement parce que vous êtes constitués de parties énergétiques qui m'appartiennent. Et l'inverse est vrai? L'inverse est vrai. Égoïquement, si j'aime des individus, c'est qu'ils ont chez eux de l'expérience de ma présence. Ils ont de mon énergie astrale chez eux. Moi, j'ai de leur énergie, de leur présence chez moi. Je m'en nourris aussi. Mais j'ai besoin d'être près d'eux pour récupérer de temps en temps. Exactement comme une personne qui demande à quelqu'un, « Est-ce que tu aimes mon nouveau veston? » Toute mon énergie, je vais de la mettre entre les mains de l'autre. Si l'autre est bien éduqué, mais c'est une farce. L'autre devrait dire, l'autre doit dire, oui, je le trouve beau. Alors, il me remet mon énergie. S'il me dit non, il est laid, il me frustre, il m'insulte, en même temps, il me désénergie, c'est ce qui crée la frustration, c'est qu'il m'a volé de l'énergie. Mais, et on a tellement de problèmes avec les enfants teflon, pourquoi? Parce qu'on leur donne de l'énergie, ils la prennent, puis après ça, quand on leur en demande, bon, t'as qu'à pas m'en donner, puis ils s'en vont. Et c'est ce qui fait que les gens vont dire, ouais, mais ils sont impolis, ils sont arrogants, ils sont sans cœur. Non. Tout à fait autre chose. Sauf qu'ils n'aimeront pas d'une façon assujettie ou esclavagisante, comme on connaît souvent. Le fait que l'on ait besoin d'autrui, par exemple, vous avez un coup de foudre, c'est que l'individu qui est en face de vous est constitué de plusieurs choses qui vous manquent. Et c'est pourquoi souvent les personnes vont dire « un couple doit se compléter ». Mais ce n'est pas vrai. Un couple, ça ne se complète pas. Bon. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que... Et on ne peut pas être complet avec un couple. On peut être complet avec une couple de couples. C'est-à-dire qu'on peut être complet avec les individus qui ont la caractéristique d'être constitués de ce que nous avons besoin. Donc, ça ressemble plus à un groupe qu'à un couple. Oui. Et c'est pourquoi on doit, à un moment donné, être capable de privilégier une forme d'amour qui est à un niveau plus élevé, qui n'est pas un amour sexuel, je reviens là-dessus encore une fois, chaque fois que je parle d'amour au niveau des humains, souvent on se trouve là, bon, ça n'a rien à voir, mais on doit être capable d'exprimer un amour qui va être égal entre des amis et son conjoint ou sa conjointe. Ça ne veut pas dire qu'on a des relations sexuelles, je le répète, ça n'a rien à voir. Même là, encore une fois, vous êtes en couple, vous avez un conjoint ou une conjointe, vous ne faites jamais l'amour, ça ne vient rien voir avec votre capacité d'aimer. Et souvent, au niveau de la psychologie des couples, première question qu'on pose quand ça va mal, comment est votre vie sexuelle? Et ça, c'est rabaisser l'humain à l'animal total, au lézard et au crapaud. Et ça se rapproche de ça. Comment est votre vie sexuelle? Ah, on couche pas chez moi ensemble. Ah, voilà! Voilà. Ah oui, bien, demande à un gars qui va dans un bordel tous les semaines, comment est ta vie sexuelle? Ah, parfait! Ah, t'es en amour, absolument pas. Rien à voir. Bon. Alors, par contre, c'est évident qu'on est... Si on est dans un phénomène d'amour intéressant, plus apte à avoir des relations corporelles. Ça peut être juste au niveau massage, ça peut être au niveau de prendre son bain ensemble, d'être ensemble, de se promener ensemble ou d'avoir une relation sexuelle. Sauf que ce n'est pas déterminant de comment va le couple. Bon. Et là, on va s'arranger pour sécréter. Et ça, c'est un gros problème. Parce que c'est une très, très bonne thérapie. Ça va mal dans votre couple? Je vais vous enseigner de nouvelles façons de faire l'amour et vous allez voir, ça va bien aller. Oui. Pourquoi? Parce que la dose et les hormones que vous allez sécréter avec des nouvelles techniques vont vous rendre dépendant au niveau des drogues hormonales l'un de l'autre. Alors, vous allez rester ensemble. Vous allez vous arranger pour être bien ensemble de façon à pouvoir vous permettre des petites choses de temps en temps parce que vous serez en besoin. Chez l'être humain qui est un petit peu évolué, évidemment, on perd des bouts. Quand on est en amour, on retrouve chez autrui des choses qui nous appartiennent. Quand subitement on n'aime plus l'autre, c'est parce qu'on a fini. C'est parce qu'on a récupéré ce qui nous appartenait. Et probablement que si l'autre nous aime, il a aussi des choses à venir chercher chez nous et il les récupérera. La problématique, c'est que vous ne l'aimez plus, mais vous ne pouvez pas le laisser. Mais est-ce que les deux vont finir en même temps? Souvent, non. Souvent, non. Il y en a un des deux qui... Comme moi, ça fait longtemps que j'ai fini que toi. Oui. Ça fait longtemps. Mais la grosse... Ben c'est évident. Je t'aime encore, mais c'est là qu'est la nuance. C'est que bien souvent, on ne s'aime plus, mais on ne peut pas partir. Alors on dit, mais je l'aime encore. Tu sais, on s'engueule. L'un qui sort sur le bacon en avant, l'autre bacon en arrière. Puis là, on vient pour descendre, c'est fini. Puis tu descends une marche, puis là, quel passé commence à revenir, puis une autre marche, puis la fois qu'elle va déjeuner, puis là, à un moment donné, on vient à la maison en brouillard, puis on s'embrasse. Bon. Alors, on se dit, toi, on s'aime encore. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, il est fini. Ce n'est pas de l'amour. C'est un besoin, il reste quelque chose à aller chercher. J'ai connu l'homme ou la femme pendant 6 mois, 5 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Sa présence, elle a été mémorisée dans mon âme. Mon âme, il est constitué de mémoires, des mémoires expérientielles, des mémoires que je cumule au cours de la vie. Et ces mémoires-là sont régies par deux lois, s'exprimer et se nourrir. Si je quitte l'autre, je ne pourrai plus l'avoir ou le voir. Je ne pourrai plus me nourrir de sa présence. La partie de mémoire de mon âme constituée par l'expérience de sa présence devra lentement oublier. Elle devra mourir. Cette mort crée une souffrance chez moi, une insécurité, une peur, une colère, une frustration. Et je vais revenir voir l'autre individu. Et parce que cette partie a besoin de se nourrir, je vais dire, écoute, on devrait faire des promesses, des compromis et s'arranger pour rester ensemble. Mais ils ne s'aiment plus. Alors, ils pourront encore se chicaner, se disputer. Ils vivront une relation particulière. Il n'y a pas d'amour dans le sens où on a besoin, on ne parle pas d'amour réel, dans le sens où on a besoin d'aller chercher ce qu'autrui a pour nous. Non. On a maintenant besoin de la présence de l'autre pour alimenter une partie de notre constitution astrale qui, on dit que le temps arrange tout, effectivement, qui va lentement mourir et s'en aller. Est-ce que l'amitié, donc, c'est une manipulation ésotérique aussi, de la même façon que l'amour? Ben, l'amitié, c'est de l'amour. Absolument. L'amitié, c'est de l'amour. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qui n'a rien à nous amener. Comment ça se fait que l'amitié va durer normalement plus longtemps que l'amour? Simplement parce qu'on ne touche pas à l'individu aussi souvent. On n'est pas aussi souvent avec nos amis qu'avec une personne qui vient rester chez nous ou chez qui on va rester. Maintenant, il y a autre chose aussi. C'est que dans l'amitié, il y a continuellement la préservation du respect parce que l'ego, hein, l'amitié est un amour beaucoup plus juste. Parce que l'ego ne pense pas qu'il peut maintenant manipuler et dominer l'autre à sa guise. Bon, viens-tu, on va aller aux Ugirambi voir les dinosaures. Ah, c'est niaiseux voir les dinosaures, j'ai pas le goût. Ah, c'est correct. Mais quand on est en couple, comment ça c'est niaiseux? T'es une personne qui n'est pas instruite, puis tu sais, puis là, on est en couple maintenant, on s'aime. Alors que quand on est amis, ben, voulez-vous venir au cinéma? Non, ben, pourquoi? Ah, ce serait le fun, si tu viendrais, ah, j'ai pas le goût. Non, ben, OK. Mais quand on est en couple, non, ça marche plus. Ah, pas question. Tu poses pas la question, c'est un bac, on s'en va au zoo. Vous avez des amis, demandez-leur, bon, est-ce que ça t'entraîne qu'on couche ensemble à soir? Ça dit non, ça finit là. Demandez ça à votre conjoint, s'il dit non, souvent on va le faire. Bon. Dans la relation d'amitié, le respect est préservé. Dans la relation de couple, plus souvent qu'autrement, le respect est perdu. Et certains couples vont dire, c'est pas vrai, dans notre couple, on a encore du respect. Vous êtes des amis. Et remarquez que probablement que vous vous considérez aussi comme des amis proches, des amis intimes, OK, et des amis. Et regardez aussi que quand vos enfants sont vos amis, il y a beaucoup moins de problèmes que quand vos enfants sont vos enfants. Pourquoi? Parce que l'amitié, ça s'entretient. Et l'amour, c'est comme si une fois que c'est scellé, ça s'est fini. De toute façon, il m'aime, il ne peut pas se passer de moi. Mais les amis, il y a d'autres amis. On n'est plus sûr. On ne le pense pas, mais on le réagit comme ça. Donc, c'est l'ego est insécure par rapport à l'amitié. Il va plus l'entretenir, comme tu dis. Il n'est pas insécure, mais étant donné qu'il n'a pas, ne pense pas que c'est acquis à jamais. C'est comme, par exemple, souvent les parents, il y a une époque où il y a encore des parents aujourd'hui qui vont maltraiter leurs enfants. Ils les bafouent royalement. Bon, les enfants n'ont jamais leur mot à dire dans quoi que ce soit. C'est leur enfant. Premièrement, l'enfant a besoin des parents. Fait que, je ferme sa boîte. Premièrement, deuxièmement, l'enfant, il aime ses parents. Ça, il est insécure quand les parents ne sont pas là. Il s'ennuie de ses parents. Fait qu'on peut faire n'importe quoi. De toute façon, il va rester là. Quand on regarde l'enfant Teflon, c'est pas long qu'il décolle. Et là, on parle de mésadaptés socio-affectifs alors qu'on n'a rien compris. Mais c'est un peu la même chose. Quand la femme a commencé à s'émanciper, il y a eu beaucoup plus de divorces. La femme est allée travailler. Il y a eu l'éclatement des foyers. Les foyers étaient éclatés déjà, mais ça paraissait pas. Quand la femme commence à s'émanciper, ben l'homme ne peut plus la traiter en esclave. Mais c'est ça, l'homme doit maintenant la traiter en ami. Mais si l'homme, l'ego de l'homme, a été instruit par la femme qu'il pouvait la traiter en esclave pendant 10 ans, quand la femme commence à s'émanciper, ben le bonhomme, il ne veut rien savoir, et ça ne va pas. L'homme n'aime plus, mais il a un besoin de la présence de l'autre parce qu'il s'est habitué à l'autre. Je donne un exemple. Vous êtes un homme ou une femme, c'est solidataire. Bon, célibataire, si vous n'êtes pas marié. Et à un moment donné, vous engagez une personne de sexe opposé, ou même du même sexe que vous, pour faire le ménage. Vous l'engagez à temps plein, chez vous. Après 5 ans, la personne décide qu'elle doit s'en aller, elle doit changer de pays ou quelque chose comme ça. Allez voir qu'elle va vous manquer. Mais au départ, vous n'étiez pas en amour avec. Pourquoi elle va vous manquer? Parce que l'expérience que vous avez de la présence de l'autre va maintenant devoir mourir. C'est une partie de vous qui va mourir. Et nécessairement, on ne veut pas. Si on est resté ami avec l'autre, on va comprendre qu'il s'en aille. On va accepter de supporter notre souffrance. Alors là, on l'aime sous un autre niveau, énergétiquement. C'est-à-dire que pour ne pas fragmenter notre relation dans l'intelligence, on n'essaiera pas de conserver la relation dans la mémoire. Pour ne pas fragmenter notre relation dans l'instantané, on va tout faire pour ne pas conserver la relation dans la mémoire si elle n'est pas fragmentée là. Est-ce que les raisons ésotériques de l'amour, c'est d'évoluer dans la souffrance ou dans l'amour? Non, c'est les raisons ou dans la souffrance de l'amour. C'est les raisons ésotériques de l'homme d'évoluer dans la souffrance. C'est parce que l'homme veut souffrir que l'homme souffre. L'homme est manipulé. L'homme est manipulé à vouloir souffrir. C'est sûr, l'homme, il ne peut pas vouloir ne pas souffrir. De ce fait, l'homme, il peut vouloir souffrir et l'homme, il souffre. Pourquoi? Parce qu'on complique toujours tout. Imaginez. Souvent, la personne, elle va dire, je ne veux plus tomber en amour. Bon, de toute façon, je l'explique, quand on est une fille, on vit un vrai amour, on monte en amour, on tombe pas en amour. Bon, je ne veux plus être en amour parce que ça va recommencer, je vais encore commencer à souffrir. Vous avez des enfants, vos enfants un jour vous devront vous quitter. Ou vos enfants, peut-être, il y en a qui vont mourir, il y en a qui seront malades, il y en a qui vont vivre différentes choses intéressantes, il y en a que vous allez les visiter au pensionnat du gouvernement, la prison. Bon, il peut se passer plein de choses. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que l'être humain, pourquoi l'être humain, finalement, il est constitué pour souffrir, c'est que si votre enfant s'en va ou une personne que l'on aime meurt, eh bien, si on l'oublie, on ne souffre plus. Mais on est sans cœur. Pour les autres. Pourquoi? Parce que moi, si je meurs, j'espère que tu te rappelles de moi. C'est pour ça que je dis que tu es sans cœur, de ne pas pleurer quand l'autre est mort. Pour la simple raison, il y a de comprendre le principe. Si je pleure pas, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas être mort. Mais tu ne pourras pas pleurer, mais tu es déjà mort. Bon, on en reparlera quand on sera vieux, dans quelques centaines d'années. Mais ce que l'on doit comprendre simplement, c'est qu'au niveau de l'amour, encore une fois, ce n'est pas de l'amour. Le fait de pleurer lorsque quelqu'un s'en va, ce n'est pas de l'amour, c'est de la souffrance. Bon. Et on va pleurer uniquement parce qu'on ne peut plus, on doit maintenant apprendre à se passer de la présence de l'autre. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Il était si bon pour nous autres, etc., etc., etc. On se fout de l'autre. C'est uniquement pour nous qu'on pleure. Alors, on a un cortège funéraire qui est noir. C'est évident. Nous vivons le deuil. Pas l'autre. Surtout que dans la majorité des théologies, il est parti pour un monde meilleur. On n'a vraiment rien à pleurer. On devrait fêter. J'ai trouvé, à un moment donné, une vieille tradition mexicaine. Quand un enfant meurt, on s'habille de blanc et on fête. Quand un adulte meurt, on s'habille de noir et on broye. Là, j'ai jamais compris. Il y a dans ce que l'humain appelle l'amour, des mécaniques ésotériques qui font qu'il y a des dangers. L'amour au complet, si on la résume, après ça, on pourrait la fragmenter. L'amour au complet, c'est uniquement l'obligation de se rapatrier, de se retrouver. Ça veut dire que les choses, les parties de moi qui sont chez autrui, j'en aurai besoin. De ce fait, je vais les retrouver. Et nécessairement, on dira de temps en temps, l'union fait la force, c'est-à-dire que si on se réunit ensemble, on va être plus fort, plus puissant. C'est vrai. Pourquoi? Parce que moi, je suis à ma hauteur maximum si les quelques rares parties qui me manquent, qui habitent autrui, sont présents. Donc, sont dans mon groupe lorsque j'ai fait quelque chose. Et nécessairement, l'union, donc, pourra créer quelque chose de puissant. Pas juste au niveau militaire ou au niveau des bras, mais au niveau d'intelligence, au niveau de la gestion. Alors, de temps en temps, une personne va dire, lui, il a été un génie uniquement parce qu'il a su s'entourer. Mais comment on récupère ces énergies-là qui nous appartiennent, ou en tout cas qui sont en affinité avec nous, puis qui sont dans d'autres? On le fait sans s'en rendre compte, mais comment ça se produit? Ça se récupère d'une seule façon. Si vous voulez récupérer par l'amour, qui est l'ésotérisme même, qui est la raison ésotérique de l'amour, si vous voulez récupérer l'énergie, et c'est ce qui donc, si vous voulez récupérer les choses qui vous forcent à être en amour, il faut respecter celui qui est le gardien de ce qui vous appartient. Plus on respecte l'individu que l'on aime, plus rapidement il libère les choses qui nous appartiennent et ça revient chez nous. Pourquoi? Parce que l'autre est, hélas, investi d'un ego. Et l'ego, lui, s'arrange pour conserver le plus de cartes sur son côté pour vous manipuler. Donc, on doit s'arranger pour vivre une relation d'amour intelligent. On va revenir, surtout dans les deux prochaines semaines, sur les échanges d'énergie, comment en récupérer et comment ne pas en perdre. Mais il y a une façon évidente, c'est que si l'être humain qui vit une relation d'amour, plus il la vit avec le respect. Quand je parle du respect, je ne parle pas de respecter la relation. Respecter la relation, c'est comme respecter une loi. C'est pour les animaux. Quand je parle de respect, je veux dire respecter l'autre. Mais c'est pas génial au niveau de l'ego. Parce que si tu respectes l'autre, il va tout. Tu vas pouvoir récupérer une partie de ce qui t'appartient dans lui. Mais l'inverse est vrai aussi. Si tu es quelqu'un de respectable et que tu respectes l'autre, tu peux te faire vider de son contenu avant. Non. Non. Comment? Il y a des petites mécaniques intéressantes. On pourrait les dire, mais l'humain peut dire, ah bon, on n'a qu'à faire ça pour récupérer nos énergies. C'est vrai, mais. C'est vrai, mais c'est faux. Mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas. C'est pas confortable. C'est que quelqu'un qui te déteste te remet tout. Ah oui? Oui. Quelqu'un qui te déteste te remet la totalité de ce qui t'appartient. Donc c'est encore plus payant, plus rapide que de respecter ça. Vous voyez quand on dit des choses à ceux qui y a, vous voyez? Mais ce que ça donne, on va se faire la guerre, c'est pas long. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre? C'est pour ça que dans ceux qui se conscientisent, souvent, ils n'arrivent pas à vivre l'un côté de l'autre. Et c'est pourquoi ça devient dangereux, pour la simple raison que les individus qui se conscientisent, qui vont vers une ouverture supramentale, qui se centrent dans leur intelligence, ben, ces individus-là doivent devenir de plus en plus individuels. Individuel veut dire ne plus rien placer chez autrui. Cela veut dire ne plus non plus accepter d'autrui des choses, donc ne pas se mélanger karmiquement. Cela fait en sorte que la majorité de ceux qui se conscientisent se retrouvent seuls. Par la force des choses. Et en même temps, ils ne peuvent pas travailler avec d'autres personnes, sans toujours en train de s'obstiner, pour la simple raison qu'ils doivent préserver leur identité supramentale. Mais on peut parvenir à un confort d'évolution. L'être humain a toujours évolué en souffrant. Ah, il a des petites phases de repos de temps en temps, des phases de réminiscence, où on le laisse aller un peu, mais ça revient toujours. On va vers une sixième race mère. On y va comment? On y va comme les prophètes en ont parlé. On y va en traversant une apocalypse. Bon, présentement, on est totalement dedans. On est totalement dedans. Les signes précurseurs d'un apocalypse, c'est lorsque le prince des Terre-Neuve, lorsque le président des États-Unis, va se mêler des problèmes du Moyen-Orient. Et en termes de prophétie, on a toujours ciblé Bagdad. Bon, Bagdad, pourquoi? Parce que c'est un haut lieu de sorcellerie, de magie dans le passé. C'est à Bagdad où on a justement les contes des milliers de nuits, où on parle des tapis volants, etc. Et les États-Unis sont la symbolique même de l'expression avant-gardiste de l'intelligence. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont réussi à faire la première bombe nucléaire, la première bombe thermonucléaire. C'est pourquoi ils sont, en tout cas, sur la planète Terre au complet, et les individus en ont souvent peur. Ils seront nécessairement considérés comme étant le mal. Et on va dire, ils sont venus voler nos terres. Mais j'ai entendu ça au Pérou quand j'étais au Pérou, moi. Les Américains, ils sont venus voler nos bananes. Ah, puis qu'est-ce que vous faisiez de vos bananes avant que les Américains viennent? Et elle n'a pas de bananes. Ben, c'est ça. Bon, ils viennent voler notre fer. Puis qu'est-ce que vous faisiez avec le fer avant? Ben, on ne les touchait pas. Pourquoi? Ben, on n'était pas capable. Ben, c'est ça. Ils sont venus chez vous. Ils ont pris ce que vous ne preniez pas. Ils ont créé de l'emploi, ils ont créé des décadences de temps en temps, mais aujourd'hui, ils payent, ils réparent les choses. Mais ils n'ont rien volé. Surtout que la terre où vous restez, est-ce qu'elle vous appartient? Non. Prenez comme exemple l'arbre qui est là, qui a 200 ans, puis que vous dites, c'est mon arbre, c'est mon pommier, ne touche pas mes pommes. Ah. Franchement, il y a des morceaux qu'on ne comprend pas. Peut-être que vous appartenez à l'arbre, mais l'arbre était là avant nous autres. Bon, ça, c'est ma montagne. La montagne du bouclier canadien est là près de 4 milliards d'années d'existence. Bon, ça m'appartient. Torieux, t'es peut-être orgueilleux. Non. Ah ben, c'est pas pire, c'est pas pire. Il y a des petites choses comme ça qui vont mal. Okay. Bon, pourquoi il y a une guerre entre l'Irak et... Bon, une guerre, pas une guerre. Pourquoi l'Irak est au Koweït? Bon, pourquoi? Parce qu'il y a une nappe de pétrole qui touche les deux pays. Pendant qu'ils faisaient leur guerre idiote contre l'Iran, ben au Koweït, on puisait du pétrole sur leur territoire. Mais c'est la même nappe. Fait que là, quand l'Irak a fini, ils ont dit, là, on est pauvres. Ils sont venus puiser, puis il en reste plus beaucoup. Et ils ont dit, vous nous avez piqué du pétrole. C'est ça. Bon, alors là, vous nous devez des milliards de dollars. Le Koweït a dit, on va vous donner 1 million. Ils ont accepté 1 million, puis ils sont venus chercher le reste. Bon. Oh. Mais, à qui appartient quoi? Comme ici, les Indiens disent que... Mais oui, les Indiens, c'est notre terre. On revendique notre terre. Les titres de propriété, on peut remonter loin. Comme moi, je leur dis simplement, t'es venu au monde ici, Mosi. On peut remonter à Abraham, puis un peu avant. Oui. Parce que les Amérindiens sont des descendants de personnes qui viennent, bon, fait qu'ils ne veulent pas, ils sont arrivés ici, puis c'est toujours la même chose. Les Iroquois, les Mohawks, qui se battaient contre les Hurons, ils ont pris des territoires, etc. Bon, bon, on peut en parler longtemps, on s'amuse pour rien. L'être humain a une capacité dans sa structure évolutionnaire à s'aimer. Mais s'aimer veut dire que les Américains vont s'aimer à un point tel qu'ils vont détester les Russes. Parce qu'il y a une évolution sociale planétaire, progressivement, les Soviétiques commencent à aimer les Américains. Les Américains commencent à aimer les Soviétiques parce qu'on est rendu à un point de correspondance, de visualisation cosmogonique grâce à l'ère spatiale, parce que les Soviétiques se servent des Américains et vice-versa, se servent des Français, se servent des Britanniques. Et pour découvrir, faire des expériences spatiales, le premier rapprochement réel de l'être humain, de l'Union soviétique puis des Américains, c'est lorsqu'il y a une capsule Apollo qui est allée se connecter à une capsule Soyouz puis qu'il y a eu un échange entre les deux personnages dans l'espace. Il n'y a pas d'astralité. Quand les Américains ont vu les Soviétiques, quand ils ont ouvert le hublot de la capsule, ils se sont sentis dans leur salon. Ils se sont sentis comme s'ils retrouvaient, puis on peut voir à un moment donné, vous louerez ça à la NASA, c'est en noir et blanc, on peut voir que les personnes, lorsqu'ils ouvrent, ils se voient l'un l'autre, c'est exactement comme si on avait 4 êtres humains, ou 6, qui se découvraient après l'extinction complète de la race humaine sur la planète Terre. Là, il n'y avait pas de Soviétiques, il n'y avait de rien. Il n'y avait pas de race. Il n'y avait rien. Rien. Ils ont partagé leur nourriture, puis il n'y en a pas un qui a dit « Ah, c'est bien meilleur ce qu'on mange chez nous! » Ils ont dit « Maudit que c'est bon! » Qu'est-ce qui était bon? Ça! T'es un Russe, je suis un Américain. On est 2 êtres humains, puis regarde en bas, c'est notre planète. Ça, c'est notre maison. C'est énergétiquement, en dedans, là, ça en est passé des échanges d'énergie. Et les personnes, ils reviennent en bas, puis en bas, c'est la guerre froide. C'est, bon, mais ça, c'est l'humain. Mais parce qu'on arrive à un autre plan d'amour, il y aura des personnes qui vont s'allier. Et là, on va dire, c'est merveilleux, les Soviétiques commencent à se rapprocher des Américains. Certains qui ne comprennent pas vont dire, ouais, mais c'est par nécessité. Oui, c'est par nécessité. Mais vous savez comment on règle les problèmes soviétiques? On règle ça par une guerre. Les guerres, l'Allemagne, c'est riche aujourd'hui, l'Allemagne de l'Ouest. Mais comment on règle les gros problèmes financiers? Par des guerres. Alors pourquoi les Russes ne sont pas entrés en guerre? Pourquoi les Russes ont-ils dit simplement aux communautés de l'Ouest, ben aidez-nous? Oui, mais ils n'ont pas le choix. Ils ont le choix. Dans l'histoire planétaire, les humanités se battent lorsqu'ils ont des problèmes. L'Irak vient de conquérir le Koweït et veut attaquer l'Arabie Saoudite. Problème financier. Donc, les Russes auraient pu faire la même chose. Il y a une évolution qui engendre des mécaniques d'amour plus universelles. L'intelligence interdit ensuite ce genre d'activité-là. Oui. Mais la problématique, c'est que pendant que l'Union soviétique et les Américains sont capables de s'aimer, d'autres peuples aussi, ben, les peuples les plus antagonistes à notre façon de comprendre le cosmos, commence à s'allier et à s'unir. Et ça va engendrer, ça peut engendrer une guerre sainte, comme on en parle depuis plusieurs années. On parlait d'un djihad, qui est le terme très musulman de guerre sainte. Et ça peut engendrer une guerre sainte qui peut être une troisième guerre mondiale. À cause de l'amour. Parce qu'il y a rapprochement, et c'est essentiel du point de vue réincarnationnel, c'est essentiel du point de vue énergétique, c'est essentiel. Ça fait partie de l'essence ésotérique de l'amour. Vous avez des enfants, vous les aimez. Ils ont chez eux plein de choses que vous, qui vous appartiennent. L'enfant réincarne votre jeunesse. Et c'est à nous. Et on aime certains personnages, on est en amour avec certains individus, c'est parce qu'ils ont chez eux des choses qui nous appartiennent. Ça peut être au niveau du plan physique, génétiquement, donc on s'aimera dans la famille. Ça peut être au niveau du plan vital, au niveau de l'énergie. Ça peut être au niveau du plan astral, là c'est parce qu'on s'est connu. Ça peut être au niveau du plan mental, c'est qu'on a une complicité évidente, immédiate. On est de la même source énergétique. Ça peut être au niveau du plan supramental, donc du plan d'intelligence, où on vibre en harmonie. On prend une pause. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, puis Charles va se faire plaisir de les lire. Thank you.